je teste une tonalité. Je suis anti-chinois. Oh là, oh là, oh là là. Terrible, c'est pas terrible du tout.